Il est possible que vous ayez déjà entendu ce son. Si c'est le cas, vous avez peut-être déjà écouté l'introduction de ce podcast. Si c'est pas le cas, bah c'est pas très grave. Si par contre vous êtes intéressé pour écouter du football, pour écouter parler de football, du rôle d'analyste vidéo, notamment à l'Impact de Montréal, du football amateur, du foot dans le monde, dans le milieu professionnel, de projets sportifs dans les clubs de football, de voyages, de différences culturelles, que ce soit dans la vie ou dans le foot, entre le Canada et la France, vous êtes dans le bon épisode et c'est notamment ces différents sujets que je vais aborder avec Monsieur Maxime Chalier. Donc mon invité, mon interlocuteur, plutôt un ami, parce que je ne sais plus trop, je ne sais pas encore, vu que je ne suis pas journaliste et spécialiste, je ne sais pas trop comment appeler la personne avec qui je vais échanger. Néanmoins, je ne vais pas le présenter parce qu'il le fera beaucoup mieux que moi. La seule chose que je peux dire, c'est merci beaucoup à Monsieur Chalier. Il a notamment été une des premières personnes avec lesquelles j'ai partagé sur ce projet. Lorsque je lui en ai parlé, d'échanger avec lui, il m'a dit pourquoi pas. Dorénavant, c'est suffisant pour moi pour me lancer. Ça a été un régal pour moi. Ce que je souhaite, c'est vous donner juste un petit conseil avant de démarrer le podcast. Le podcast peut paraître long, et ça ne va pas être le seul. Donc, si jamais vous démarrez avec les podcasts, n'hésitez pas à entrecouper votre écoute, c'est-à-dire à l'écouter peut-être plusieurs fois dans la journée, une demi-heure par là, une demi-heure le soir, ou alors peut-être sur plusieurs jours. Voilà, c'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Ensuite, je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter que moi, que j'ai eu à échanger avec Monsieur Maxime Chalier. Dis-moi, combien de temps t'estimes ton temps ? Bon, évidemment, il faut que ce soit du plaisir, hein, comme tu le sais. Mais je sais pas. C'est juste que j'ai un rendez-vous au dentiste. Il faut que je vérifie, mais je crois que c'est à 13h15. Donc j'ai quand même du temps, mais je te dirais jusqu'à midi 30, midi 45. Donc environ 1h, 1h15. Ok, parce que ouais, comme tu sais comment je suis bavard, mais c'est surtout parce que le temps a une limite et du style. Au moins je sais quand est-ce qu'on s'approche de la fin, tu sais, pour la gestion du temps, tu vois. Ouais. C'était plus non, pour ça. Toi, à l'heure parisienne, je sais pas, ça ferait environ vers 18h30, 45. Ouais, à peu près. Parfait. De toute manière, je peux te dire à un moment donné, il faut couper. Bien sûr. Non, mais je t'avoue que, déjà, comme je l'ai dit dans le document, ouais, je pourrais faire des montages. Je sais pas encore, ça va, comme tu le sais, c'est la première fois où. Enfin, je l'ai déjà fait, comme je t'ai dit, bref, c'est la première fois où je vais vraiment éventuellement faire des montages et tout ça, et puis on verra. Okay. Mais effectivement, ouais, s'il y a nécessité de faire une pause, ou même si je sais qu'on a déjà eu des longues discussions d'une heure, une heure et quart, une heure et demie des fois. Bref. Là, je vais répéter des trucs que. Non, je ne sais pas ce que tu vas demander, mais ouais. Sûrement des trucs que tu sais déjà. Ouais, c'est possible. Premier truc qui m'intéresse, même si on se connaît plus ou moins bien. J'avoue que je serais curieux de savoir comment tu te présenterais. Mais genre présenter actuellement, je sais pas, c'est les questions. Ouais, libre. Vas-y, libre, tu sais, j'imagine et j'espère qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast. Et si tu étais amené à te présenter, comment tu le ferais, c'est libre à toi. C'est vraiment les questions méga, méga compliquées. On va essayer de faire simple. Donc, Maxime Chalier, 30 ans, actuellement analyse vidéo à l'Académie de l'Impact de Montréal depuis un peu plus de 14-15 mois maintenant. Au Canada depuis 6 ans, donc expatrié en partie au début. Grâce aux études et ensuite j'ai eu la chance de travailler dans un club de foot amateur qui m'a ensuite permis de rentrer dans un club de foot pro. Ça a commencé où ? Hein ? Genre je vais me permettre de te couper quelques fois parce que finalement tout ça je le connais pas. Mais en gros c'est comment ça a commencé ? T'as dit club amateur. j'ai commencé. Non, bah c'est ça. Je fais mes études en échange à l'Université d'Ottawa, donc je finis mon master. Je passe un an en échange là-bas et puis durant l'année, il faut remplir un espèce de... Il faut faire un stage dans une structure sportive une quarantaine d'heures. Donc moi, je contacte tous les clubs de la région d'Ottawa, que ce soit côté Ontario ou côté Québec. Et le premier qui me répond, c'est un club de Gatineau, l'association de soccer de Hull. Donc je rencontre le directeur technique qui me propose de faire quelques heures de coaching avec leur académie d'hiver. Et ensuite, il m'a proposé de coacher une équipe l'été pour un niveau compétitif. Et après cette expérience-là, il me propose un contrat à temps plein l'année suivante. Donc ça s'est passé comme ça, dans ce club-là. Ok, parfait, cool, merci. Mais on s'entend que c'était pas ta première expérience d'éducateur, c'était pas ta première expérience d'entraîneur. Ah oui, non. Et puis à la base, c'était pas du tout dans les plans de rester au Canada. Enfin, quand je suis arrivé en tant qu'étudiant, l'objectif c'était vraiment finir mes études et puis surtout de vivre une nouvelle expérience, découvrir un nouveau pays. Mais j'avais pas du tout en tête l'idée de rester vivre ici et de travailler dans le monde du foot au Canada. Pour être tout à fait... comment dire... honnête, je pensais pas qu'il y avait moyen de vivre au Canada. Je pensais pas qu'il y avait beaucoup d'emplois dans le monde amateur, donc c'était pas un objectif. Et non, l'expérience d'éducateur, ça a commencé quand j'avais 17 ans, 18 ans. J'ai commencé à coacher des poussins à l'époque, donc des U9, U10, et c'était dans la région parisienne. C'est arrivé, si je dis pas de bêtises, parce que après ma première année de STAPS, pareil, il fallait faire un stage et dans une association sportive. Donc c'est là que je me suis tourné dans mon club où je jouais en tant que joueur amateur. Et puis voilà, j'ai commencé à coacher, à être éducateur. C'était où? À partir de ce moment-là, au Perreux-sur-Marne. Ouais, non, on veut des noms, on veut des noms. Ah non, ouais. Ah, c'est ouf. Ok, mais ça veut dire en fait, c'est t'es étudiant, tu as un stage à faire, tu te lances dans le bénévolat, le stage en tant qu'éducateur ou c'est en tant qu'éducateur, ça t'a orienté vers STAP. Non, rien à voir, c'était plutôt l'inverse. Non, c'était plutôt l'inverse. J'ai d'abord fait la démarche pour entrer en STAP qui à la base était une année pour essayer de rentrer dans une école de kiné. Donc, c'était pas forcément pareil l'objectif de passer des diplômes dans la voie sportive. Moi, là-bas, je voulais être kiné sportif. Donc, je voulais faire une école de kinésithérapie. Et c'était une passerelle possible de faire une année de STAPS pour ensuite rentrer dans une école de kiné. Ok, tout donc, ça, tu vois, je le savais pas. Ouais. Ok, le plan, c'était pas du tout de se retrouver au Canada. Non, clairement pas. Non, le plan à la base, c'est de travailler dans le foot. D'accord. Dans le foot pro. Et donc moi, l'idée, c'était, je sais pas d'où c'est venu, mais j'ai toujours une attirance pour les gars qui étaient kinés. Et je me dis, c'était un moyen assez, peut-être pas simple, mais un moyen peut-être plus rapide de rentrer dans un staff professionnel que en étant coach ou préparateur physique ou d'autres postes. Donc voilà, à la base c'était ça l'objectif, mais ça a vite changé. Du coup, vas-y, tant qu'on en parlait, parce que moi ça m'intéresse aussi, parce que j'ai été confronté un peu à la même situation. T'arrives au Canada, tu pensais pas que c'était possible. Finalement, c'était un plan qui devait durer sur un court terme. Plus concrètement, hein, c'est quoi un peu, tu sais, quelles sont les étapes qui sont arrivées, qui puissent te permettre de dire, ok, non, ben là, je peux faire un projet perso à plus long terme, et puis finalement, de dire, ok, finalement, ça fait quand même 5-6 ans que je suis là. Bah, à vrai dire, c'est... C'est avec la rencontre des personnes qui étaient en place dans le club où j'ai coaché à Gatineau qui m'ont, voilà, ça m'a ouvert un peu l'esprit en me disant, bah, c'est possible de vivre du football concrètement en étant à l'étranger, ce qui pour moi était aussi très important. J'avais pas forcément envie de rentrer en France après mon année d'études à Ottawa. Donc, j'étais possiblement encore amené à voyager dans d'autres pays. J'avais sûrement envie de découvrir d'autres choses, mais l'opportunité, on va dire, qui s'est présentée à moi et le fait de ne pas vouloir continuer à être éducateur en France ou à revenir en France pour faire d'autres études, bah, c'était une opportunité que j'ai tout de suite, j'ai même pas réfléchi quand on m'a proposé, en fait, ce poste-là. J'ai dit oui sans hésiter. Et puis, avec le temps, au final, il y a aussi le côté administratif où on se dit, bah, c'est sûr que on se met à aimer la vie au Canada, donc on commence à faire des démarches administratives pour aussi pouvoir rester travailler. Et puis, donc ça, c'est les deux côtés. L'autre côté, c'est sûr que vivre du football, c'était entre guillemets pour moi mon premier travail à temps plein dans la vie active. J'ai toujours fait plein de petits jobs, mais celui-là, c'était vraiment concrètement la première fois que je faisais ça après mes études. Donc au final, c'est ça, c'est que je me retrouve à travailler dans un domaine qui est ma passion. Je fais ce que j'aime tous les jours, je suis payé correctement, et puis j'aime beaucoup la vie au Canada. Donc c'est pour ça que les années passent, et puis au final, on se sent de mieux en mieux ici. Vas-y, j'avoue, bah, même si moi je sais un peu en quoi ça consiste parce qu'on a été amené à travailler ensemble, mais je pense que c'est loin d'être le cas pour plein de pour d'autres personnes. Comment toi tu décrirais un peu cette expérience et puis à quoi ressemblait bah, ton emploi du temps, à quoi je sais que notamment tu as travaillé avec le même club mais sous deux rôles un peu différents hein, en tant que plus pour intervenir l'été, une grosse saison là-bas, et puis il y en a un deuxième, c'est plus en tant qu'employé à l'année. Je sais pas, ouais, si tu devais un peu présenter durant bah, je crois que c'est 3 ans, je crois que tu as fait 4 ans, bah, les missions sur lesquelles tu es intervenu, ouais, les saisons que tu as un peu vécues. Ouais. Oui, non, donc mon titre exact, c'était directeur technique adjoint, et j'étais en charge aussi du côté commandite, donc ça c'était un extra en plus. Ma responsabilité, c'était la catégorie U12. Commandite, sponsor, c'est ça hein. Ouais. Ouais, okay. Sponsoring, essayer de trouver des entreprises ou des gens prêts à donner un petit peu d'argent pour aider le club aussi en échange de la publicité, que ce soit sur les maillots, sur le site internet ou autre moyen. Là, c'est des missions annexes sur lesquelles tu es amené à intervenir. Ouais, bah là, c'était vraiment, au final, c'était pas du tout mon domaine dans lequel j'étais formé, ou ça c'était pas quelque chose qui m'intéressait. C'est juste que le directeur technique m'avait demandé, ok, personne n'a jamais vraiment essayé de s'occuper de ce domaine là donc est-ce que toi ça t'intéresserait? Donc moi j'ai dit oui, parce que voilà, je suis assez ouvert d'esprit et je pense que c'était une expérience intéressante, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail, de démarches, pour envoyer beaucoup de mails, appeler des gens pour au final peu de réponses positives. Donc au final, c'est pas quelque chose que je referais, parce que c'est pas vraiment pas mon domaine de prédilection où je me sens à l'aise, mais c'était une bonne expérience. Et oui, c'était un surplus où j'avais un pourcentage. Si j'arrive à ramener des sponsors en plus, évidemment, ça s'ajoutait, je touchais un petit pourcentage sur les montants potentiels. Ouais, du coup, je t'ai coupé, désolé, mais ouais, c'était plutôt pour faire la petite aparté. Et ouais, tout ce rôle alors, au niveau foot. Non, mais donc c'est ça, les grandes responsabilités de mon poste, c'était d'avoir, durant la saison été, la grosse saison au Canada, c'est d'être coach, éducateur d'une équipe compétitive Donc, ça prend quand même beaucoup de temps parce que c'est 2 à 3 entraînements semaine plus un match le week-end. Ensuite, j'avais moi la responsabilité du secteur U12, donc, qui est l'équivalent d'un petit club en France parce que j'avais sous la responsabilité une dizaine d'équipes de U12 garçons et 6 à 8 équipes filles, donc environ une vingtaine d'équipes, ce qui équivaut à plus ou moins 300-400 joueurs. Avec tous les coachs y compris. Donc ça, c'est comme si on était directeur technique d'un petit club ou d'un club normal en France, entre guillemets. Donc ça, c'est du, on va dire, du tous les jours, de la gestion de suivi d'entraînement, de match, suivi avec les entraîneurs, s'il y a des problématiques avec les parents, suivi au niveau des joueurs à travers les équipes pour monter des joueurs qui méritaient de jouer avec les équipes des divisions supérieures. Donc ça, c'est un suivi vraiment journalier durant toute la saison été, Parce que, ouais, faut le donc tous dire, à les ce soirs moment-là, sur le terrain. on est dans un contexte où l'été, c'est ça, c'est à peu près entre 1900 et 2000 membres durant l'été dans un même club. Ouais, Alors que toi, voilà, c'est ça ça. c'est important de Ouais. le dire. C'est que c'est une petite partie dans le club, mais quand un club fait 2000-2100 membres, c'est sûr qu'on se remet tout de suite dans la grandeur du Canada, quoi. On se dit, c'est quelque chose quand on vient de France qui nous semble vraiment complètement exceptionnel. Mais au final, ici, c'est normal d'avoir des clubs avec autant de membres. Donc c'est ça, pour revenir après sur mes journées de travail, on va dire que l'été était très chargé, parce que en plus de ces deux missions-là, d'éducateur, de superviseur, il y avait aussi la partie stage, donc les camps d'été de fin juin à fin août, donc sur 2 mois, où là c'est quasiment un poste à temps plein tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, où il faut animer des camps de soccer. Donc ça, c'est une grosse, grosse demande d'énergie aussi. Et ça finit par se transformer sur des semaines avec beaucoup d'heures de travail. Donc on peut avoir des journées où on fait le camp de 7h30 jusqu'à 16h. On a un entraînement de 17h à 18h30 et de 18h30 à 20h, on se retrouve à superviser un match ou un entraînement U12. Donc ça fait des longues journées. Et en plus de ça, les week-ends où il faut faire les matchs avec notre équipe compétitive. Donc ça, c'est la grosse, on va dire, la grosse journée qui est quand même pas tous les jours, mais qui arrive assez souvent durant la période d'été. Et en contrepartie, bah, c'est certain que l'hiver, l'automne est un peu plus calme, où on se retrouve à faire beaucoup moins d'heures et on n'a plus d'équipe compétitive à coacher. On n'a que des équipes, des entraînements à l'académie, donc qui sont en général 2 ou 3 sessions par semaine. Donc on se retrouve à avoir des journées beaucoup, beaucoup plus calmes, beaucoup plus tranquilles. Et en général, le matin, à part un meeting ou peut-être un rendez-vous, on a nos matinées libres. Et l'après-midi, bah, on va avoir, dépendamment avec qui on intervient, on peut aussi intervenir dans des écoles pour faire du parascolaire ou avec un sport-études pour là être coach, entre guillemets, intervenant extérieur sur la demande du responsable du sport-études. Donc ça, c'est encore des contrats qui sont annexes à celui de mon club. Mais c'est ça, une journée, on peut très bien avoir 1h30 un entraînement le soir, comme on peut rien avoir du tout. Donc ça c'est vraiment une différence notable là-bas, c'est qu'il y a vraiment les deux saisons pour les joueurs et pour les gens qui travaillent dans le soccer. C'est un petit peu ce sentiment-là. Merci. Et du coup, bon, j'avais envie de te poser plein de questions. Je voulais pas te couper là, comme ça on a une bonne description un peu du rôle, même si, bah, effectivement, c'est, on a, comment dire, on a survolé un peu plein de points. Mais première question qui me vient en tête, Max, toi qui, bah, qui as côtoyé un peu le football en France, notamment, bah, en région parisienne, t'es amené à intervenir rapidement dans une structure, bah, au Canada, plus précisément, enfin, plus spécifiquement, pardon, au Québec. Quels sont les, en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur, quelles sont les choses que tu relèves, s'il y avait des comparaisons à faire, ou même pas pas forcément des comparaisons, mais éventuellement des spécificités du football nord-américain, ou quelles sont les choses que tu, comment ton regard évolue par rapport à, c'est ça, toi, en tant qu'entraîneur, en tant qu'éducateur? Voilà, je dirais la première chose, c'est que sur le terrain, il n'y a pas forcément de différence. Ça reste le même sport, les mêmes règles, voilà, par la qualité des joueurs, mais on reste sur le terrain, sur vraiment les mêmes choses. Par contre, la différence pour moi, elle a été à l'extérieur, tout ce qui est l'environnement. Je me souviens des premières semaines où j'entraînais et quand tu arrives sur un terrain et qu'il n'y a pas de vestiaire, tu vois les joueurs qui se changent sur le terrain même. Même pour toi, coach, c'est quelque chose qui t'a jamais, comment dire, t'as jamais. T'avais jamais fait attention à ce détail-là. Mais c'est surtout en fait en France, on était tellement habitué à avoir Exact. cette habitude-là d'arriver, on se change au vestiaire, le coach, l'entraîneur, l'éducateur parlent pendant les matchs ou les entraînements. Il y a toujours cette intimité-là du vestiaire qui au Canada n'existe pas, donc ça devient un petit peu un outil en moins. Donc les joueurs arrivent, très souvent ils arrivent juste avant l'entraînement, 5-10 minutes, juste le temps. Beaucoup même arrivent déjà habillés parce qu'évidemment il n'y a pas tous les joueurs qui ont envie de se changer en caleçon sur le terrain devant tout le monde. Donc la plupart des joueurs du coup arrivent déjà habillés, ils ont juste à mettre leurs chaussures. Mais ça, l'environnement avec les parents, en France, il y avait des interactions avec les parents, mais je dirais beaucoup moins par mail. C'était un peu plus direct où voilà, les parents, il y avait Sur le un bord du échange terrain, verbal. ouais. Alors qu'ici, voilà, j'ai dû créer une adresse mail qui, voilà, j'étais pas du tout habitué à avoir tous les jours des dizaines de mails de parents à répondre, etc. Et ça, c'était quelque chose de différent aussi. Mais sinon, en termes de, ça reste les mêmes missions, essayer de développer des jeunes, à les faire progresser dans tous les domaines du jeu. Donc après, voilà, c'est sûr qu'on doit s'adapter à la particularité au Canada de jouer seulement l'été, au fait que c'est des jeunes en général qui font d'autres sports à côté. C'est pas forcément, ce n'est pas le sport numéro un en termes de, comment dire, de popularité dans la population en général, même si ça reste l'un des sports les plus pratiqués, mais c'est plus un loisir qu'un sport qui peut t'amener à être professionnel ou à changer ta vie comme ça peut l'être en France. Beaucoup de jeunes jouent au foot pour être pro, mais il y a aussi l'objectif de changer de vie grâce à ça. Donc je dirais c'est ça, c'était plus côtoyer des jeunes qui viennent pour juste s'amuser, plus que se dire ok, moi mon objectif c'est d'être joueur pro. C'est ça la finalité. Je dirais s'il y a une grosse comparaison à faire. Qu'en France, tous les petits qui viennent jouer, ils te disent tous moi je veux être joueur professionnel, je veux être le futur Zidane, je sais pas n'importe quoi, alors qu'ici, il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent même pas certains joueurs professionnels, donc qui regardent même pas des matchs à la télé, donc c'est ça la différence. Du coup, dans ce contexte-là, comment toi, parce que c'est surtout ça le focus que je vais mettre, c'est surtout la façon dont, étant donné que tu as eu un parcours scolaire pour devenir, pour intervenir dans le sport, ton objectif c'est dans le foot, petit à petit, on se rapprochera un peu de ta situation actuelle, mais comment dans ce contexte-là, toi ton truc c'est le foot, t'as notamment dans le cadre de tes études, t'es parti. À l'étranger, dans différents pays, tu arrives au Canada et tu veux quand même, on sait que c'est pas le premier pays de foot, le pays du soccer. Comment tu progresses? Comment tu continues d'évoluer? Quelles sont les compétences que tu développes dans cet environnement-là? Bah, c'est certain qu'à côté de ça, moi, ma progression, on va dire, je l'ai fait beaucoup, je l'ai pas comment dire, je l'ai eu sur le terrain à proprement parler ou en essayant des exercices, en regardant un petit peu ce qui se fait à droite à gauche. Mais on va dire que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu beaucoup de liberté avec différents publics pour pouvoir essayer différentes méthodes, essayer voilà, un petit peu ouvrir différents champs d'entraînement. N'hésite pas à rentrer dans les détails, hein. N'hésite pas à nous dire, j'avoue, moi, oui, bah, surtout moi, ça m'intéresse, parce que je ne pense pas qu'on en avait déjà discuté. Non, mais l'idée, c'est que moi, quand je prends... Déjà, c'est la première fois que j'ai coaché une équipe à 11, c'est au Canada, donc okay. Avant ça, j'étais que dans, on va dire, tout ce qui était école de foot. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. J'étais dans la découverte, voilà, dans l'apprentissage. J'étais débutant, on va dire, en tant que coach. Donc, on est sans cesse en train de discuter avec des gens plus compétents ou avec plus d'expérience, que ce soit dans la structure où j'étais ou grâce aux réseaux sociaux ou sur Internet ou en allant voir... J'ai eu la chance de faire quelques... Bah, par exemple, la première année où je suis coach, il y a un club professionnel qui se crée à Ottawa. Et moi, je prends tout de suite comme démarche d'essayer de contacter le coach qui s'appelait Marc Dos Santos à l'époque pour, si possible, venir une semaine observer leurs entraînements et un match. Et donc, le coach m'a tout de suite dit oui. Eux, c'était leur première année, donc c'était une nouvelle équipe qui se créait, qui jouait dans la seconde division américaine, l'USL. Et, on parle du Fury d'Ottawa, là, c'est ça? Ouais, okay, Ottawa, ouais. Fury. Pour moi, c'était un moyen d'échanger, de voir comment lui travaillait, de voir un petit peu le niveau du foot en Amérique du Nord. Donc, c'était mon premier, je pense que celui-là, ouais, c'était ma première expérience avec le monde professionnel. Au Canada, j'avais jamais vu un match ou un entraînement, que ce soit de l'Impact de Montréal, Toronto ou Vancouver. Ouais. Donc ça, c'était le genre d'expérience que moi, je recherchais à chaque fois, essayer d'aller voir l'Académie de l'Impact de Montréal, d'aller voir Toronto FC, d'aller au Standard de Liège. Des expériences que j'ai pu avoir grâce à soit des contacts, soit simplement une démarche toute bête d'aller demander, d'envoyer un mail. Et c'est vrai qu'on se dit toujours, bah, c'est un milieu qui n'est pas forcément ouvert, c'est un milieu où on peut pas forcément rentrer. Et puis au final, j'ai eu quand même beaucoup de réponses positives. Donc après, c'est simplement de faire le suivi et puis de compléter la démarche en allant au bout des choses et en se rendant sur place, même si au début il y a une appréhension parce que t'es tout seul, t'arrives, tu vois, tout le monde te regarde, c'est qui lui, qu'est-ce qu'il vient faire, donc c'est toujours un petit peu épié, observé d'un coin de l'œil parce que beaucoup de gens pensent que tu viens peut-être prendre leur place, mais après deux, trois échanges, tu sens que les gens, dès qu'ils comprennent toi, ta démarche personnelle qui est simplement de voir comment ils travaillent. Et du coup, ça m'intéresse là. Bah, c'est ça, toi qui as tendance à ouvrir un peu des portes qui sont entrouvertes et qui n'hésite pas justement à être avenant par rapport à ça. Tu trouves que c'est facile d'échanger, que dans le milieu, oui. Ça partage quand même, ouais. Ouais, non, bah après, je pense que comme tout le monde, moi, je me faisais une idée où je sais pas si c'est l'être humain qui est comme ça, mais on se dit toujours, ah, ça c'est impossible, ça c'est trop compliqué, je suis pas assez bon pour ci, pour ça, donc... On se fixe peut-être des barrières tout seul, on se ferme justement des portes tout seul, alors qu'il suffit juste de se faire un peu mal et bah, de prendre sur soi et de ne pas avoir peur au final parce qu'il n'y a rien à perdre. On n'a rien à perdre en allant demander à quelqu'un, que ce soit un responsable d'un club professionnel, un coach, un assistant, on n'a rien à perdre en lui demandant « Excuse-moi, est-ce que c'est possible de venir voir un entraînement ?» Bah, s'il dit oui, super. Il dit non, la vie continue, c'est pas grave. Donc, et puis en général, les gens, En tout cas, en Amérique du Nord, maintenant aussi que je suis dans un club professionnel, moi, je me rends compte qu'il y a quand même une ouverture d'esprit qu'il n'y avait pas forcément en France. Pour avoir été aussi l'année dernière en formation pendant une semaine à l'Olympique Lyonnais avec les analyses vidéo, c'est sûr que le fait d'avoir un logo d'un club pro, ça aide. Je pense que si j'étais venu avec le logo de mon club amateur l'année passée, bah, à Lyon, peut-être que moins de gens auraient été ouverts avec moi et beaucoup de gens m'auraient pas calculé. Donc, c'est peut-être, ça dépend de beaucoup de choses, des circonstances, du pays, des contacts, parce que c'est aussi ça, qui t'envoie, qui te donne le numéro, c'est, voilà, il y a un petit peu plein de choses à prendre en considération, mais je dirais que oui, ça reste quand même possible d'échanger, avec des gens qui sont ouverts. Il y a des gens qui vont montrer qu'il y a pas possibilité, mais il y en a d'autres, peu importe dans quel pays ils sont et à quel niveau ils travaillent, je pense qu'il y a toujours moyen d'échanger, de contacter ces gens-là. Ouais, du coup, on va y revenir après par rapport à ton intervention stage à Nice Vidéo à Lyon. C'est sûr que forcément, bah, ça m'intéresse. Mais pour rester encore un petit peu dans ce que tu avais dit par rapport à tout ce que tu as mis en place, c'est ça, durant les 4 années, bah, surtout 4, non, plus même, je dois dire des bêtises, mais Non, 4 ans, c'est ça, ouais. Vas-y, comment ça se ouais. passe? Qu'est-ce que tu mets en place en tant que bah c'est ça en tant que coach, en tant qu'entraîneur d'une équipe à 11 bah, sur les 4 saisons? Qu'est-ce que tu mets en place en tant que bah, responsable U12 parce que si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Filles, garçons, plus de 400 plus de c'est ça environ 400 joueurs. Je sais pas dans les 2 structures différentes, qu'est-ce que tu es amené à mettre en place? Est-ce que ça correspond, je sais pas, à la comment dire, à la philosophie du club un peu, comment ça s'imprègne un peu, comment ça s'imbrique un peu dans la philosophie du club. Et toi, en tant qu'éducateur, comment tu progresses et comment tu... Bah, quelles sont, c'est ça, tes initiatives et qu'est-ce que tu mets en place Moi, beaucoup de questions. Je te dirais pour commencer en tant que coach, sur les 3 ans et demi, bah, j'ai eu la chance de coacher des équipes au plus haut niveau compétitif au Québec, donc en triple A, avec toujours l'objectif en général du maintien, parce qu'on avait des effectifs qui venaient juste de monter dans la division supérieure et on avait bah, souvent affaire à des meilleures équipes que nous. Donc ça, la première difficulté, ça a été de rester toujours, comment dire, solide et de ne pas lâcher, parce que c'est des saisons assez longues, de 24 ou peut-être 28 matchs, je m'en souviens plus. Et on se rend pas compte quand on commence ce genre de saison pour la première fois, mais C'est tous long. les matchs, tous les points comptent et c'est très Ouais. long. C'est très long. Ouais, c'est ça, Beaucoup de c'est matchs à de... Montréal, beaucoup de matchs à Québec. Ouais. Donc, c'est beaucoup de déplacements. Les jeunes sortent en général aussi de sport-études. Donc, ils sont entraînés toute l'année. Donc, enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais au final, moi, ma progression, elle s'est faite aussi grâce et en partie avec les joueurs. C'est aussi les joueurs, leurs réponses sur le terrain qui font progresser. Est-ce qu'un exercice fonctionne ou pas? Bah, dépendamment du niveau des joueurs, tu vas avoir des réponses différentes. Mais je dirais que j'ai essayé beaucoup de choses. Au début, je cherchais beaucoup d'exercices, que ce soit dans des livres, sur Internet. J'essayais de trouver des choses avec lesquelles j'étais plus ou moins à l'aise. J'ai essayé de prendre des notes, je notais toutes mes séances pour avoir à la fin de l'année vraiment un suivi et je pouvais reprendre toutes les séances pour les années d'après. Déjà, j'ai essayé de me dire, OK, bah, cette année, si je prends toutes les séances où ça a bien fonctionné, où il y a une progression, etc., bah, je me dis qu'avec le temps, je vais être moi, coach, mieux dans l'exercice ou dans la situation ou dans le jeu que j'ai mis en place, et puis après je pourrais l'améliorer avec des consignes, des variantes différentes. Donc l'idée principale c'était ça, c'est au début touché un petit peu à tout ce qui se faisait en discutant avec d'autres éducateurs, d'autres coachs, à ce que tu as essayé cet exercice-là, sur ce thème-là, etc. Aussi, pour lier ça avec le club dans lequel j'étais, qui a changé de nom, mais actuellement qui s'appelle le FC Gatineau, le directeur technique avait mis une politique technique en place qui était que tous les joueurs aient du temps de jeu, donc ça c'était la priorité, mais voilà, d'essayer de faire progresser les joueurs avec le ballon, de proposer des choses simples, mais voilà, on va dire que moi, la période où je suis arrivé, je m'en souviens parce que la première formation que je fais à Soccer Québec, ça s'appelait le kick, ça s'arrête maintenant. Donc le kick, c'est dégager des longs ballons devant. Et je sais que nous, dans notre club, on essayait, c'est un petit peu, comment dire, ce que tout le monde veut mettre en place, mais c'est de dire de ressortir de derrière court, d'avoir la maîtrise du ballon, d'imposer son jeu à l'adversaire. C'était l'idée. Après, le mettre en place, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, c'est parce que pour revenir à la question de départ, par rapport à cette politique-là, moi, j'étais complètement d'accord avec ce que le directeur technique voulait mettre en place d'un point de vue sportif. Et le responsable du 2A, qui était Silver Castagnier à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, qui lui aussi avait un petit peu la même vision du foot que moi. Et donc voilà, principalement sur les trois saisons et demie que j'ai coaché des équipes compétitives, moi je pense avoir évolué en tant que coach et ça restait un apprentissage constant, peu importe les publics. Je suis passé de 16, 15, des U16, U17 à des U13, donc c'est quand même une grosse différence. C'était des joueurs qui découvraient le foot à 11. Et c'est sûr que les exercices ou les séances que j'ai pu mettre en place avec un public plus vieux, là il faut se remettre en question et se dire ok, là on descend de 4 ans, c'est des jeunes qui vont découvrir ce que c'est de jouer à 11 sur grand terrain, il y a des grandes différences athlétiques, donc c'est voilà, c'est aussi une remise en question personnelle tous les jours d'être entraîneur. Tous les jours, tous les jours, chaque séance quand même, il faut être capable de répondre aux attentes de 18, 20 garçons qui viennent à l'entraînement, donc c'est pas simple. Et après, parce que je repense à la question de départ. Ouais, non, elle était large, il n'y a pas de problème, mais forcément, il y a plein de choses. Là, comme ça, brièvement, parce que je trouve extrêmement intéressant, c'est un peu le but aussi de faire de ce podcast, c'est de notamment le foot, mais aussi le foot à travers le voyage. Est-ce que, avec ce que tu as vu et vécu en France, qu'il y avait des choses qui ne se faisaient absolument pas au Canada, au Québec? Est-ce qu'il y a des trucs, justement, que tu dis, ok, ça, c'est vraiment propre au Canada, au Québec, et puis je pourrais probablement pas l'adapter en France? Oui, il y en a. Là, ça me vient pas en tête tout de suite à l'esprit, mais... Tu te rappelles l'avoir vécu, en tout cas. Oui, il y a beaucoup de choses où par exemple, des joueurs qui sont dans plusieurs structures différentes, donc qui sont amenés à s'entraîner dans une académie privée, exact, sport-études régionales, et à jouer dans un club. Donc, ils sont amenés sur les charges, une semaine, à avoir... Voilà, à avoir je ne vais pas dire des bêtises, mais entre 6 à 8 entraînements, plus qu'un joueur professionnel. Ouais, donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose. Moi, quand on est en France, un club, il joue en général que dans une structure, pas dans 2-3 structures différentes. Et puis, des joueurs qui jouent toute l'année. Il n'y a pas de pause. Donc, encore une fois, c'est lié avec la charge d'entraînement. Mais j'étais surpris, en fait, du nombre... c'est lié un petit peu avec ce que je viens de dire avant, du nombre d'heures passées sur les terrains. En France, nous, c'était complètement l'inverse. Les jeunes, il passait peu d'heures sur le terrain et justement il jouait un peu plus à l'école ou dans la rue. Ici, c'est beaucoup plus d'heures passées sur le terrain à avoir des entraînements avec une structure autour. Ah, c'est finalement assez surprenant de se dire que pour un public U12, U13, tu es amené à prendre en considération la charge de travail pour, dans le cadre de tes séances. Ouais. C'est exact. Vrai. Exact. Surtout de voir des jeunes de cet âge-là qui sont fatigués, ouais, qui commencent à être blessés, des blessures de fatigue. Ouais, c'est vrai. Exact. Et un manque de, pas de passion, mais un manque d'envie parce que déjà plus ou moins lassé par le sport. Ouais, surentraîné, exact. Ouais. Après, d'autres choses dans l'environnement. Oui, des parents qui assistent à tous les entraînements. Ça, c'est des choses. C'est vrai. Que j'avais pas forcément moins vu en France. Eu à faire en France avec un public jeune, oui, mais avec un public plus vieux. Ouais, c'est vrai. C'était ouais. Rare. Bah après, il y a l'environnement, les stades couverts. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a ici au Canada du fait de l'environnement et des saisons et de l'hiver rude. Donc, au début, quand tu fais un entraînement, tu fais un match, et même la première fois que tu rentres dans ce genre de structure, de terrain couvert, que ce soit une bulle ou en dur, tu es quand même impressionné. C'est vrai, et tu exact. Te dis, ouais, c'est quand même très, très. Enfin, c'est une structure top. Et, des bonnes conditions, c'est intéressant. Ouais, des très bonnes conditions. Quand tu sais qu'il fait moins 30 dehors et que tu peux t'entraîner sur un terrain à une température de 15-20 degrés, c'est exceptionnel. Exact. Bon. Donc, on voit. Ouais, non, ce qui m'intéresse aussi surtout, c'est où est-ce que tu en es maintenant. Et je suis curieux de, même si je sais que j'ai vécu un peu ça de très près à l'époque, mais je suis sûr que ça intéresserait d'autres personnes. Après ces 4 années, comment ça se passe? Tu sais, la transition avec l'Impact de Montréal, comment ça arrive? Et puis comment t'es amené maintenant à occuper cette nouvelle casquette, de ce que j'ai compris, qui te va encore mieux qu'elle l'était avant? Comment ça se passe? Ouais. Donc, pour remettre dans le contexte, le club FC Gatineau, c'est un club partenaire de l'Académie de l'Impact de Montréal. Ouais, c'est donc vrai. Depuis que moi je suis rentré dans le club, on a eu l'opportunité, nous, le staff technique, donc les directeurs techniques adjoints et même les coachs étaient invités à aller voir des entraînements de l'Académie, à échanger avec les coachs. Ça, de mémoire, tu y allais quand même assez régulièrement déjà. Ouais, moi c'est quelque chose que, en général, avec le club, le directeur technique, il faisait en sorte qu'on y aille au moins 2 fois par saison, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Et moi, en plus, j'essayais d'y aller une 3e ou une 4e fois tout seul pour justement parfaire ma formation personnelle. Donc, pour moi, c'était le club pro le plus proche de Gatineau qui était à 2 heures de voiture. Et puis surtout, comment à chaque fois que j'y suis allé... À chaque fois que j'y suis allé, j'ai bien accueilli. J'ai appris beaucoup de choses et le fait, très bien accueilli et le fait d'échanger avec des personnes qui sont dans une structure pro, ça ouvre encore plus l'esprit et ça aide aussi à avoir peut-être une ambition. Donc les premières fois que j'y suis allé, j'avoue que ça m'a donné envie de me dire ok, moi je veux être dans une structure comme ça. Donc voilà, avec le temps, des contacts ont commencé à se nouer. J'ai commencé à sympathiser avec quelques personnes du staff, mais ça, c'est pas du tout ce qui a engendré mon embauche. C'est plutôt au cours d'une présentation. Donc si je remets dans la chronologie, c'était au mois d'avril 2018, donc l'année dernière, où on y va, tout le staff, pour assister donc à une présentation le matin du directeur de l'Académie, Philippe Lafroy, nous parle des statistiques qu'ils ont fait sur les buts marqués sur coup de pied arrêté. Et au cours de sa présentation, il nous dit là, on est en recherche d'analyse vidéo parce que le nôtre est parti, donc ce rôle-là, cette personne-là qui nous a aidé aussi à avoir ces statistiques-là et tout. Et donc, moi, c'est, je ne sais pas, la semaine qui suit, je me dis, OK, pourquoi pas. J'avais aussi, si encore je remets dans le contexte à cette période-là, j'avais déjà prévu depuis 6 mois de partir en voyage à l'étranger en septembre 2018. Donc, j'avais déjà prévenu mon directeur de mon club à Gatineau que mon rôle s'arrêterait, que je partirais à cette période-là. Donc, dans ma tête, j'étais déjà plus ou moins ailleurs. Et puis, est arrivé ce moment-là. Donc, moi, j'y ai réfléchi. Je suis allé voir la fiche de poste sur Internet. Et au final, je me dis, écoute, j'ai rien à perdre. Je vais envoyer ma candidature au directeur de l'académie pour voir ce que ça donne. Et puis, de toute manière, moi, mon projet dans 4-5 mois, c'est de partir en Amérique du Sud, voyager. Donc, voilà, c'était vraiment... Donc, j'envoie un mail avec mon CV. Il me répond. Il me dit, OK, la responsable des ressources humaines va te contacter. Sachant qu'on s'entend, Max, je me permets de te couper. Je remets aussi les choses dans leur contexte où, dans l'ancien club du FC Gatineau notamment, t'étais celui qui était le plus confronté à la vidéo, que c'était de filmer des matchs, que c'était étant coach assistant, je me souviens bien, sur l'équipe première en PLSQ, t'étais déjà aussi sur la prise de vidéo, d'analyser certaines séquences. Il y avait quand même un certain intérêt pour ce type de rôle dans un staff, si je me souviens bien. Ouais, non, c'est vrai. C'est moi au club. Je pense que à chaque fois qu'il y avait un coach qui m'a demandé de filmer un match à Gatineau, j'avais acheté justement moi personnellement une caméra pour filmer mes matchs. Trépied compris. Pas tous les matchs, mais voilà, les quelques matchs que j'ai pu filmer à Gatineau, c'est sûr que c'était un début, une initiation à la vidéo. Et puis, donc, c'est ça, pour revenir à l'embauche, à l'impact. Au final, une semaine après que j'ai envoyé mon CV, je passe un entretien avec le directeur de l'académie et un coach et le recruteur. Et le jour même, donc ça dure 3 heures l'entretien, et en rentrant à Gatineau, il m'appelle, il me dit « Ah, oh, c'est bon, t'as eu le poste », etc. Donc, ça s'est fait en tout et pour tout en 10 jours, je pense. J'ai passé l'entretien... un 25 ou 26 avril, et le 4 mai, j'étais embauché et j'ai commencé après un mois plus tard parce que j'avais un préavis dans mon club. Mais ça s'est fait un petit peu sur une opportunité, encore une fois, un concours de circonstances que réserve la vie. Et puis au final, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas pris un risque parce que j'avais pas forcément grand chose à perdre. J'ai juste dit OK, je tente ma chance, j'envoie et puis ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, je sais ce que je vais faire dans 5 mois. Donc voilà, j'ai ouvert une porte. Exact, une nouvelle fois. Une nouvelle fois, c'est ça, une porte entrouverte. Je m'en souviens, ça m'a marqué. Te concernant, c'était pas la première fois, probablement pas la dernière, et puis ça te... tu rigoles, mais je m'en souviens bien. Vas-y, là ça me branche, je me souviens plus avoir posé les questions, je sais qu'on en a déjà beaucoup discuté, mais je me souviens pas avoir posé les questions comme ça. Vas-y, premier plaisir, première difficulté, je suis analyste vidéo d'un club professionnel, j'arrive à l'Impact de Montréal. Le contexte, tu peux nous l'expliquer, c'est sûr que ça m'intéresse aussi, même si je le connais un peu bien, mais la partie technique surtout aussi, forcément moi ça m'intéresse de savoir un peu, c'est ça. Grosse difficulté, les routines, l'emploi du temps, comment toi, je sais que maintenant t'es extrêmement intéressé par ce que tu fais, comment justement t'arrives à alimenter cet intérêt, puis... je sais que tu as énormément progressé en plus d'un an et demi. Et comment tu as mis ça en place? Non, pour revenir, c'est ça, sur la première semaine, c'est sûr que je suis passé un petit peu par toutes les émotions. Donc quand je commence, évidemment, beaucoup, beaucoup d'excitation d'arriver dans un environnement professionnel pour moi qui vient du monde amateur. Et comme je le dis souvent, et comme je le disais à l'époque, bah, il y a 2 semaines, j'étais encore sur un terrain avec des U12 filles qui sont débutantes, donc sans leur porter offense. Mais c'est sûr que là, je me retrouve dans le même bâtiment que les professionnels. Donc je passe dans le couloir et je croise Rémi Garde et je me dis, OK, c'est vraiment la réalité. Et donc tout de suite je suis mis à contribution. Donc le directeur de l'académie, Philippe Lafroy, qui est aussi coach des U19, me demande le mardi au cours du meeting hebdomadaire que le staff technique de l'académie a, de faire la séance vidéo des U19 le vendredi pour faire un retour sur leur match qu'ils avaient fait le week-end passé à New York. Donc là, j'ai 3 jours pour voir un match que j'ai pas vu, voir un match, apprendre à connaître les joueurs, à savoir qui est qui, et à présenter le vendredi devant des joueurs que je connais à peine. Et te familiariser avec les outils aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Et de faire une séance vidéo avec un logiciel que je connaissais pas depuis, avec lequel j'ai jamais eu l'occasion de travailler. Donc, ça a été beaucoup. Avec lequel là tu travailles? Quand je suis arrivé, c'était avec Sportscode. Ok. Donc, c'était le logiciel qu'avait l'académie. Mmh. Et c'est un logiciel qui est, je pense, le plus utilisé dans le monde professionnel et le plus reconnu. Donc c'est ça, c'est découvrir un petit peu tout cet environnement-là. Aussi, j'avais accès à Instat, qui est une base de données avec tous les clubs du monde et tous les joueurs, où il y a aussi l'analyse de nos matchs de l'académie. Ça, il faut avoir un accès particulier, je pense. Oui, ouais, c'est un accès privé payant. D'accord. Donc l'académie avait un... Il faut être un club pour pouvoir l'avoir ? Simplement payer. Non. D'accord. Tu peux être un particulier. Tout le monde peut y avoir accès. Après, tu payes en fonction de ton accès. Donc, nous, par exemple, on avait dans notre accord un accès sur 5 clubs professionnels qui avaient été choisis par le staff technique. C'était Barcelone, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid. Donc ça me permettait à moi d'avoir accès à toutes leurs statistiques, toutes leurs vidéos. Je pouvais récupérer tous leurs matchs, etc. Donc, c'est un outil incroyable où tu Pourquoi peux pas plus de clubs passer des heures et des heures parce que c'est payant. D'accord, ok. Tu peux avoir Parfait. Accès à toute une ligue, tu peux avoir accès à toute la base de données, mais chaque partie en plus, supplémentaire d'accord. est payante. Okay, chaque donc... match que toi, tu veux analyser, que tu leur demandes d'analyser, ça coûte cher. Donc ça, c'est des outils dans le monde amateur qu'on ne connaît pas et que pendant une semaine, j'ai dû me familiariser avec plein de choses que je ne connaissais pas, avec tout l'environnement, tout le staff, tous les joueurs. Donc oui, beaucoup d'émotions. Moi, j'ai aussi eu la chance d'arriver dans une période où c'était la fin de saison, donc la partie un petit peu des playoffs, etc. Et moi, j'avais demandé dans l'entretien si c'était possible de faire les déplacements avec les équipes, sachant que pour remettre dans le contexte, les équipes de l'Académie de l'Impact de Montréal jouent dans la Ligue nord-américaine avec toutes les académies MLS et les académies privées. Donc, ils se retrouvent à jouer 95% de leur temps aux États-Unis et à faire des longs déplacements. Donc, moi, la semaine où je commence, le week-end suivant, il y a le déplacement à Philadelphie. Donc, là, je suis comme un gosse de partir la veille. On fait le déplacement en bus dans des conditions que moi, j'avais jamais connues. Tu arrives à l'hôtel la veille, tu as ta chambre, tu mens. Tous les joueurs sont ensemble. Le lendemain, tu as les matchs qui s'enchaînent et puis tu rentres le soir même. Donc, c'est moi tout ce que je recherchais. C'est-à-dire, d'un côté, voyager et voir... un nouvel horizon, voir de nouveaux endroits, voir le football aussi aux États-Unis, et puis d'un autre côté, voir un niveau de jeu qui était vraiment intéressant. C'est vrai que pour passer du plus haut niveau au Québec au plus haut niveau nord-américain, il y a quand même une grande différence. Donc au début, j'étais pas forcément le plus comment dire, le plus compétent pour le poste là, et puis il faut se mettre rapidement au niveau des coachs, au niveau du staff, faut tout de suite comprendre le vocabulaire utilisé, il faut comprendre aussi les principes de jeu, toutes les situations. Donc il y a beaucoup beaucoup d'informations à prendre, et donc moi, pour finir rapidement, je commence le, si je dis pas de bêtises, fin mai, le 28 mai, et je me retrouve donc à partir avec les équipes au play-off mi-juin à San Diego pendant 10 jours. Et j'ai la chance, donc là, mon rôle précisément, c'est de faire que de l'analyse d'adversaire. Donc moi, j'ai accès à toutes les vidéos des équipes américaines. Et donc là, je me retrouve à faire l'analyse d'adversaire, ce que j'avais jamais fait auparavant. Et donc, c'est quelque chose où, voilà, je pense que j'ai pris du plaisir, parce que même si je dormais pas beaucoup, et ça reste que je regardais beaucoup, beaucoup de foot. Et puis, j'essayais de mettre le plus de mes compétences footballistiques pour aider les joueurs et le coach. Donc, c'est ça. Et au final, on se retrouve à partir en demi-finale avec les U17. Donc, on revoyage à Kansas City 2 semaines plus tard. Donc, en un mois, j'avais déjà fait quasiment 15-20 jours à voyager avec les jeunes. Et c'est sûr que j'étais pas dans, je vais pas dire dans un rêve, mais j'étais comme un gosse, quoi. Donc, c'était une période exceptionnelle. Et voilà, avec le temps, comme tu l'as dit, on se rend pas compte, mais tous les jours, on rencontre des problématiques qui nous font progresser. On échange, et le fait de pouvoir être moi en tant qu'analyste vidéo avec différents coachs, parce que j'ai la chance d'être avec les quatre équipes, de l'académie. Donc, je peux prendre un petit peu ce que j'ai envie de chaque coach, me servir de ça pour ensuite le réutiliser moi dans mon domaine de la vidéo. Et donc c'est ça, c'était pour moi aussi l'idée, c'était d'essayer d'être le plus utile possible sans trop me perdre. Donc voilà un petit peu les débuts. Je vais le couper ce passage là Max. Combien de temps il te reste là? 30 minutes. Oh, on est large. Ok, parfait, cool. Vas-y, je voulais pas t'arrêter parce que t'as dit rapidement, j'avais cru que t'étais sur la fin, mais c'est pour ça que je te demande. Mais je couperai là, cette partie-là, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Vas-y, rentrons un peu plus dans les détails, parce que c'est ça que j'aime bien. Que ce soit d'un point de vue technique, ou t'as parlé de la première présentation, la première analyse vidéo du week-end, encore plus concrètement, si tu devais te remettre, comme on l'a réutilisé plusieurs fois, un peu se remettre dans le contexte, parce que c'est ça, vraiment les premières sensations, les premières difficultés, qu'est-ce que tu mets en place, quelles sont les premières idées qui te viennent. Qu'est-ce que peut-être au bout de 2-3 semaines tu dis non, peut-être que j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, quelles sont les routines que tu mets en place, parce qu'on sait que là il y a énormément d'adrénaline et que après on y reviendra progressivement parce que ça fait déjà 1 an et demi, ça fait déjà beaucoup de choses se sont passées, puis on verra par la suite après comment t'as, parce que je sais qu'on a discuté il y a pas longtemps, que t'as un peu modifié, tu veux te relancer là sur une nouvelle saison, sur une peut-être évoluer un peu ta manière de fonctionner aussi bien avec les coachs qu'avec les joueurs. Je pense que tu as à peu près compris ma question. Ouais. Non, mais oui, c'est sûr que ça a beaucoup évolué mon rôle et mes fonctions. Je te dirais, les premières semaines, moi, j'étais un petit peu dans l'attente que les coachs de chaque équipe viennent me demander un petit peu qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils attendaient de moi, plutôt parce que moi je savais pas trop justement qu'est-ce que je pouvais leur apporter en débutant dans ce domaine-là. Donc au début, comme je l'ai dit, c'était l'analyse d'adversaires, et puis c'est ça la première difficulté, c'est que donc moi je prépare, une anecdote, je prépare l'analyse d'un adversaire pour les playoffs, pour les U19, donc c'était Los Angeles Galaxy. Sauf que moi, je me sers des feuilles de match de championnat, je me sers d'un site de la MLS qui nous donne accès à plusieurs séquences et à plusieurs statistiques des équipes MLS. Donc c'est beaucoup, beaucoup de chiffres et beaucoup d'informations à traiter. Et donc, grâce à ça, j'arrive un petit peu à ressortir plus ou moins une tendance et des joueurs qui devraient jouer sur ce match-là. Sauf qu'au final, sur le match à proprement parler, donc les U19 jouent contre LA Galaxy et il se retrouve qu'il y ait 4 joueurs qui jouaient avec l'équipe réserve, donc l'USL de Los Angeles Galaxy. Mais moi, j'avais pas conscience de ça et j'avais pas pris l'information. Et sauf que ces 4 joueurs-là ont changé le match, évidemment. Et la manière dont cette équipe-là, Los Angeles Galaxy, jouait sans eux était complètement différente de la manière dans laquelle ils ont joué. Donc moi, j'ai présenté quelque chose aux joueurs, au staff, qui n'a pas du tout été ce qui s'est passé durant le match. Donc c'est du style, c'est quoi? Le système, le circuit préférentiel? Ouais, le système. Et puis, c'était des joueurs... on va dire clé parce que c'était des joueurs la colonne vertébrale, tu avais un gardien, un défenseur central, un milieu défensif, un ailier. Et donc c'est certain que moi, de mémoire comme ça, parce que ça remonte quand même assez longtemps, c'était une équipe qui ressortait beaucoup sur les côtés, alors que là, leur circuit préférentiel, c'était clairement l'axe avec le 6 qui était vraiment la plaque tournante. Et donc nous, on avait décidé d'orienter à l'intérieur parce qu'on savait que leur force, c'était les côtés. Et au final, on s'est retrouvé à être en grand danger parce qu'on leur a ouvert l'intérieur assez facilement. Et c'était ce jour-là qui nous a fait très mal, ce 6-là. Donc le plan de match n'a pas été le bon parce que mon observation n'avait pas été bonne. Mais ça, c'était au bout de 3 semaines. Et c'est sûr que quand tu finis le match et tu perds 4-0, bah, moi, c'est sûr que j'avais pris le poids de la défaite sur mes épaules, même si c'est aussi la responsabilité de tout le monde, bien sûr. Mais c'est sûr qu'après 3 semaines, tu prends une grande claque dans la bouche et tu dis, ah ouais, là, c'est sûr que les attentes sont élevées et tu n'as pas le droit, entre guillemets. Pas l'erreur, mais il faut vraiment bien faire tes recherches, bien faire ton travail. Donc ça, c'était au début. Après, la saison suivante qui a commencé, 2018-2019. Mais du coup, attends, je te coupe. Comment tu réagis par rapport à ça? C'est-à-dire, vas-y, on est à 3 semaines. La semaine d'après, comment ça se passe? Est-ce que tu rectifies le tir? J'ai la chance de tout de suite, on a un autre match. Donc j'ai pu enchaîner. C'était pas un match entre guillemets déterminant comme si c'était une élimination. Donc il y a eu d'autres matchs par la suite. Mais c'est sûr que le soir même, c'était pas bien. Mais voilà, comme j'ai dit, j'ai la chance après qu'il y ait eu d'autres matchs qui se sont enchaînés pour passer à autre chose. Mais ça a été une expérience malheureuse sur le moment qui a été très très productive en termes d'apprentissage entre guillemets. Donc voilà, comme on dit souvent, l'échec permet d'avancer. Donc ça, c'était un des gros échecs du départ. Et donc voilà, après la suite, donc sur la saison, ma vraie première saison, donc j'avais pas vraiment une approche précise. Parce que là, oui, la saison est différente, c'est ça. Quand t'arrives, toi, mois de juin, c'est la fin de saison. Exact, ok. Contrairement à l'ancien club qui était de mars à septembre, octobre, là, le Impact de Montréal s'est ajusté sur un autre calendrier. Comme en Europe. Ok, c'est vrai. C'est de août à juin. Exact. Donc c'est vraiment les mêmes saisons qu'on peut retrouver en Europe. Et donc, voilà, la seconde saison, donc je me dis ok, moi mon rôle c'est d'être avec un petit peu tous les coachs et d'essayer de plus ou moins intégrer, mettre en place la vidéo avec toutes les équipes, d'éduquer un petit peu les joueurs à ce qu'ils aient vraiment la volonté de regarder leur match et d'en tirer des choses, que ce soit positives ou des choses à progresser, à améliorer. Donc la première des choses, je dirais, c'est de mettre en place d'utiliser un logiciel qui puisse permettre aux joueurs d'avoir accès aux vidéos, de pouvoir justement leur donner accès et de pouvoir créer une plateforme où on puisse échanger un maximum, donc pour que ce soit le plus simple et le plus efficace pour tout le monde. Sachant qu'il y a 80 joueurs à l'académie, je ne me voyais pas envoyer des vidéos à chacun par mail. Donc l'idée, c'était de trouver une plateforme qui permette justement d'avoir ce rôle-là. Et donc ça, c'est Huddle qu'on a utilisé, hein, une plateforme très reconnue qui appartient à SportsCode. Et donc ça, c'est une plateforme géniale pour moi parce que Les joueurs avaient je me accès. charge. Bah, avant, non, D'accord. mais moi, je leur ai donné accès. Et donc, quand je mets une vidéo en ligne, bah, je la partage avec qui je veux. Je peux mettre des Ah, commentaires, je super. peux Ok. discuter. Et donc, ça permet d'avoir un accès à tout le monde, en fait, que ce soit au staff, aux joueurs, aux vidéos, sur leur application mobile, donc sur le téléphone, sur la tablette ou sur leur ordinateur. Ça, pour moi, ça a vraiment changé la donne. C'était la priorité, c'était mettre ça en place parce qu'il n'y avait pas ça. Ensuite, ça a Ça a été été bien de mettre en accueilli place. parce que déjà je pose la question, c'était il n'y avait pas forcément d'analyse vidéo, bah, surtout à la structure jeune. Est-ce que ouais, facile, bien accueilli, Ouais. d'accord. Ouais. Non, non, c'est sûr que ça a été un. Pour, en tout cas, les joueurs ont été très, très réactifs. Et quand il n'y avait pas une vidéo qui était mise à jour, par exemple, ils jouaient le samedi et que le mardi matin, ils n'avaient toujours pas reçu la vidéo. Tout de suite, ils me demandaient, coach, pourquoi il y a pas la... quand est-ce qu'il y aura la vidéo sur Huddle? Ok, Donc, les non, ça, au nouvelles niveau des générations un joueurs, peu, oui. ouais, friand un peu Ouais, de ça, de ce, d'accord. une génération très, très, très Demandeuse, demandeuse ouais. d'images et qui Pourquoi? adore ça, vraiment. Pourquoi? Pour se mettre en lumière, pour se remettre en question, pour peaufiner, Ouais, pour non, ajuster? je pense que tout le monde. Enfin, moi, le premier, j'aime voir en tant que joueur, j'aurais adoré voir mes maths. Donc, D'accord. pour s'évaluer, je pense que pour s'auto-évaluer, pour revoir peut-être une action ou un but, en général, ça, c'est quelque chose qu'ils aiment, ou un dribble, ou quelque chose qui les a marqués sur le match. Nous, justement, le staff, on essaye de les pousser à pas regarder que leur highlight, entre guillemets. On les questionne sur d'autres choses, on leur demande par exemple de regarder à telle minute comment ils évaluent le positionnement de leur partenaire sur leur ligne, s'ils sont défenseurs centrales, comment ils évaluent l'alignement de la ligne défensive. On essaye de les allumer sur des petites choses un peu plus collectives que seulement individuelles En groupe, pour qu'ils par apprennent. en one-one Bah ça, ouais, ça, bah, le coach collectivement, il peut l'adresser à tout le monde. Et puis moi, plus individuellement, oui. Plus individuellement. Quand, par exemple, donc là, je vais enchaîner sur donc la saison, pour faire bref, la saison 2018-2019. Donc j'avais pas vraiment d'idée en tête. Moi, l'objectif, c'était d'aider un petit peu tous les coachs. Et j'étais un petit peu là en fonction des demandes de chaque entraîneur. Donc, il y a des coachs qui m'ont plus ou moins utilisé, il y en a qui m'ont beaucoup utilisé parce qu'ils étaient très friands de vidéos. Donc, j'ai beaucoup plus travaillé avec certaines équipes que d'autres. Et à la fin de la saison, j'ai fait le constat, je me suis dit, OK, la problématique, c'est que oui, je suis tout seul, mais la priorité, c'est pour moi de travailler en priorité avec les joueurs qui sont plus près de signer pro, donc les joueurs U19. Et petit à petit de descendre. Donc, l'année dernière, par exemple, j'avais travaillé beaucoup plus avec les U17 qu'avec les U19. Et pour moi, je me sentais pas forcément efficace ou je me sentais pas avoir apporté quelque chose vraiment de plus aux joueurs en me disant, OK, à la fin de l'année, tel joueur a vu ça, tel joueur a appris ça, tel joueur a, je sais pas comment expliquer, mais je pense que j'ai pas apporté suffisamment, en tout cas, moi c'était mon constat, aux joueurs, que ce soit de manière individuelle ou collective, pour me dire que je veux travailler de la même manière la saison prochaine. Donc après, c'était une saison de découverte. Moi j'étais débutant, je connaissais pas le championnat, je connaissais pas la structure, donc je me voyais mal dire OK, je veux faire ci, ça, ça, sachant que j'avais zéro expérience dans le domaine. Tandis que là, à la fin de l'année, j'ai dit, OK, non, moi, je pense qu'en étant tout seul, vaut mieux que je laisse le collectif au coach, sachant que je ne peux pas travailler avec toutes les équipes, tout le temps. Donc, si je fais collectif, je dis au coach, bah, OK, une semaine, je suis avec les U19, la semaine d'après, U17, la semaine d'après, U15. Mais c'est-à-dire que pendant 2 semaines, je ne travaille pas du tout avec les U19. Et donc, je n'ai aucun suivi sur la durée. Donc, pour moi, il n'y a pas d'utilité. Donc, cette saison, j'ai fait le choix de travailler, moi, de manière individuelle, où je rencontre plus les joueurs sur des meetings individuels ou par petits groupes, que ce soit par ligne. Je prends par exemple tous les joueurs défensifs, les défenseurs U17, U19, et on discute de l'alignement, comme je parlais tout à l'heure, sur la gestion de la profondeur, du positionnement pour sortir de derrière, dépendamment des animations qu'on a à l'académie, etc. Et donc ça, c'est des choses que moi, je veux mettre en place parce que je me suis dit, OK, et après avoir discuté avec tout le staff, hein, c'est pas seulement ma décision, mais c'est en ayant eu une discussion collégiale, entre guillemets, on est une académie, donc notre objectif, c'est de développer des joueurs. On n'est pas tout de suite dans l'objectif de résultat. Notre objectif, c'est vraiment le développement. Et si l'analyse vidéo, il s'occupe de faire l'analyse des adversaires, bah, concrètement, l'objectif, c'est le résultat. Il y a une perte de temps. Je veux dire, si je passe du temps plus à regarder l'adversaire qu'à regarder nos matchs et à passer du temps avec nos joueurs, c'est qu'on n'est pas là pour développer nos jeunes. Donc moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit l'analyse de l'adversaire, je ne veux plus en faire. C'est une perte de temps, en tout cas, pour le développement de nos jeunes. Donc c'est à partir de ce constat-là que j'ai dit que je voulais vraiment faire un suivi individuel et que je voulais rencontrer beaucoup plus les joueurs, avoir un contact récurrent toutes les semaines, tous les mois, avec le plus de joueurs possible, tout en priorisant les U19, ensuite les U17, et les U15, eux, qui sont, on va dire, ceux qui commencent vraiment à travailler avec la vidéo, sachant que les U14, le seul travail que je fais avec eux, c'est juste de leur partager les vidéos. Et c'est le coach Eduardo Sebrango qui travaille beaucoup aussi avec la vidéo, qui s'occupe tout seul de présenter ça à ses joueurs. Comment tu... Ah. Ouais, du coup, tu as parlé de suivi avec les joueurs. Uh-huh. Comment tu le matérialises? J'imagine que c'est sur la saison. Ouais, donc le suivi, là, par exemple, la saison a commencé au mois d'août, fin août, le premier match. Donc moi, déjà, la première chose, c'est j'essaye, dès que je peux, de coder le match en live pour éviter de perdre, pas de perdre du temps, mais éviter de devoir regarder le match à nouveau. Comme ça, c'est un gain de temps, je regarde le match et je suis déjà en train de découper le match. Et donc, j'ai mes fenêtres de codification avec tous les joueurs. Pendant le match, hein, ouais. Oui, pendant le match. Mmh. Pendant le match, donc à domicile, je filme et je code en live. Et à l'extérieur, je ramène mon ordinateur pour aussi coder en live. Donc, comme ça, dès que je récupère la vidéo, j'ai déjà les séquences découpées. Et donc, du coup, le lundi, mardi matin... On s'entend que ça, c'est quelque chose que tu faisais pas au début. Hein. Non. Oui, ça, c'est quelque chose, évidemment, que j'ai appris, bah, par exemple, en allant à Lyon pendant une semaine ou en échangeant avec les analystes vidéo, bah, j'ai vu leur méthode de fonctionnement, comment ils utilisaient le logiciel, et ça m'a apporté énormément. En une semaine, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ce qui est super, c'est que je continue à entretenir cette relation, donc on continue à discuter, OK, quel logiciel tu utilises, que ça soit pour, par exemple, faire des dessins sur une vidéo, quel matériel pour filmer les matchs, quelle nouvelle technologie, etc. Donc, c'est des échanges qui permettent aussi, dans le domaine de la vidéo, de se tenir au courant. Mais voilà, pour revenir à la question de départ, c'est ça. J'ai créé tout simplement des fichiers individuels, des dossiers individuels sur l'ordinateur. Et à chaque fois, chaque match, je découpe des séquences. Et ensuite, je les range dans ces fichiers-là. Et dès que je rencontre un joueur, bah, je récupère toutes les vidéos facilement. Et c'est à leur demande, c'est à ta demande ? Tout simple. Non, c'est moi. D'accord. La demande du staff. Donc, par exemple, moi, je propose au staff, on a des meetings toutes les semaines. Je dis, OK, cette semaine, j'ai prévu de voir tel joueur. Okay. Parce que j'ai vu ça leur montrer. Mais ensuite, évidemment que les coachs vont me dire, ah, bah, j'aimerais que tu vois tel joueur parce que sur ce match-là, ça n'a pas été. Donc oui, les coachs, évidemment, m'orientent sur des joueurs. Mais moi, j'ai la chance et vraiment, ça, j'en suis conscient de dire que j'ai une pleine liberté de faire un petit peu que j'ai envie de faire. Après, là, je dois mettre en place une planification sur un petit peu ce que je t'expliquais, le travail par ligne. J'appelle ça des packs, pack défensif, pack milieu de terrain, pack attaquant. Ou sur la saison, ça va être déjà prévu à l'avance. Par exemple, au mois de novembre, je vois les milieux de terrain pour aborder, je ne sais pas, j'ai pas encore tout mis en place, mais... la prise d'information sur des choses comme ça. C'est ce que je dois finaliser là, mais ça prend beaucoup de temps de mettre en place un peu une planification vidéo. Ce serait ça le titre. Donc, pour avoir justement un suivi sur l'année et de dire, OK, eux ont vu ça, ça doit être maintenant acquis. Si ça ne l'est pas, ben on peut faire le suivi. Donc, c'est grâce à ça. Et on utilise aussi une plateforme qui s'appelle Exaduo. Donc là, c'est une grosse plateforme qui regroupe tous les domaines, que ce soit administratif, technique, médical, etc. Et donc, tout le monde a accès à ce que, par exemple, une thérapeute fait avec un joueur. Donc moi, si je vais dans le dossier d'un joueur, je sais que lui, il a eu telle blessure, il est traité comme ça, il revient au jeu comme ça, il a joué tant de minutes, etc. Et donc, dans la partie vidéo, pareil, les coachs voient, OK, tel joueur, par exemple, a une séance vidéo avec Max sur son positionnement, sur son repli défensif, sur sa prise d'information. Et donc, ça permet d'avoir un suivi sur la durée pour savoir qu'est-ce qui a été adressé au joueur, si oui ou non il y a eu une progression et si oui ou non il faut pas s'en séparer. Mais ça permet aussi de faire un suivi de performance des joueurs, de voir ceux qui progressent, de voir ceux qui sont performants, etc. Donc, encore une fois, c'est en plein développement, c'est tout nouveau. Donc ça, je ne sais pas si ça va être plus fonctionnel. On fera le bilan à la fin de la saison. Mais jusqu'à maintenant, par exemple, si je remets ça dans le court terme, là, la semaine dernière, j'ai rencontré 4 joueurs et c'est des échanges que je n'avais pas l'année dernière parce que j'avais pas forcément le temps. C'est-à-dire des échanges que ouais. Moi je trouve beaucoup de quoi c'est-à-dire. Oui, non, les échanges. Ouais, ouais. Non, vas-y, tu peux y aller. C'est des échanges qui sont vraiment super instructifs parce qu'on est seul avec le joueur, ça dure une trentaine de minutes, on monte des images. Un seul joueur, une trentaine de minutes. Ouais. D'accord. C'est ça. Donc si tu veux, moi l'objectif que je me suis fixé cette année, c'est qu'il y ait trois meetings minimum comme ça avec les joueurs U19, deux avec les U17, un avec les U15. Et avec par semaine, par mois ? Non, par saison. D'accord, ok. Donc ça peut paraître peu, mais sachant que je suis tout seul et que j'ai 60 joueurs ouais, à bah voir, oui, je peux pas sûr. Dire. Donc après, ça c'est des meetings, si tu veux, qui sont un peu moins fréquents. Mais après, il y a des meetings qui sont un petit peu chaque semaine où là, je vais voir un joueur dans le vestiaire, je lui montre avec mon ordinateur, je lui montre trois séquences et voilà, ça dure 4-5 minutes. Donc, il y a des meetings formels et informels un petit peu. C'est ça la différence entre les deux, si tu veux. D'accord. Ça... Et... Ouais. Si on devait parler d'une rencontre, parce qu'à un moment donné, tu as dit par exemple un coach, il souligne un point qui n'a pas été en match. Ça ressemble à quoi brièvement une rencontre de 4-5 minutes avec un joueur est-ce que c'est justement pour aborder justement tout ce qui n'a pas été pendant le match ou depuis une semaine ouais. je sais pas non ça c'est ça ces rencontres là on va dire informelles qui sont du day to day genre en fonction vraiment du match du week-end où le coach fait un bilan du match et là, après en avoir discuté, il me dit « j'aimerais que tu montres ces 2-3 séquences à ce joueur-là ». Donc ça, c'est vraiment des bilans, on va dire, hebdomadaires où on essaye de corriger sur le court terme ce qui n'a pas fonctionné. Après, moi, dans les meetings formels de 30 minutes et plus, là, j'essaye justement d'avoir vidéos de 7-8 minutes qui regroupent des grosses tendances. Donc, je sors par exemple 3, 4, peut-être phases de jeu ou que ce soit des domaines techniques ou tactiques qui, selon moi, sont importants pour ce jeune-là et qui n'a pas encore soit acquis ou qui doit progresser encore plus ou qui le maîtrise. Ça peut être du renforcement positif Ah, aussi. d'accord, parfait, excellent. Donc c'est ça la différence un petit peu entre les deux sortes de meetings. C'est des meetings par rapport au match de la veille ou des meetings sur les 6-7 premiers matchs de la saison pour voir s'il y a une tendance. Moi, il y a un truc qui me, il y a une question qui m'intéresse, mais ça, c'est encore, c'est un regard très novice et je t'avoue que je n'avoir jamais posé la question. D'un point de vue extérieur, quand on pense à analyse vidéo, bon, c'est ce qui est mon cas, c'est, tu sais, on parle, on pense à l'analyse vidéo qui prend les statistiques après un match, et puis, tu sais, il y a de nombreuses statistiques qu'il transmet au coach, puis éventuellement, il parle de, il fait une spécificité un peu plus globale, peut-être un peu plus de l'adversaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'était, bah, comment dire, ton ressenti par rapport à ça. On sait que tu as pris la décision, bah, de te focaliser sur à l'interne parce que justement c'était du temps de perdu et puis notamment bah, tu étais seul dans un pour de nombreux joueurs. En fonction de l'idée que tu t'étais fait du poste et puis les missions sur lesquelles tu interviens maintenant, ben, tu sais comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce que c'est bah, d'une évidence? Peut-être pas parce que tu as fait évoluer ta fonction, mais est-ce que tu fais exactement ce que tu voulais ou est-ce que tu vas encore évoluer sur ton poste ou ça dépend si peut-être tu vas avoir peut-être je sais pas si elle est précise ma question. Oui, bah précise, oui et non, mais pour revenir sur les statistiques, par exemple la saison dernière avec Instat notamment, on avait accès donc aux rapports de match qui sont une trentaine de pages et des statistiques, t'en as mais des milliards quoi. Tu peux tout comptabiliser. Donc moi la problématique c'est ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ces rapports? Ça met 1h30 à le lire, à ressortir qu'est-ce qui nous intéresse ou pas. Et à vrai dire, oui, je pense qu'il y a des statistiques très intéressantes comme d'autres qui ne veulent rien dire, mais les statistiques sans la vidéo, selon moi, ne sont pas viables. Je pense que, comme on le dit, on peut tout dire d'une statistique, on peut, voilà, il n'y a pas de vérité, sachant que la vidéo ne ment pas. Une statistique, je ne vais pas dire qu'elle ment, mais il n'y a pas une Il y a une finalité, interprétation, ouais. voilà. C'est une interprétation personnelle qui, au final, peut être complètement différente d'un coach à un autre. Donc, pour les statistiques, si tu veux, par exemple, la saison dernière, avec le logiciel, parce que j'ai oublié de le dire, là, on n'est plus avec SportsCode, mais on a changé, on est avec Naxsport. Et donc, moi, pour jouer un petit peu avec cet outil-là, j'ai proposé au coach de prendre des statistiques en live et eux, leur mettre une tablette sur le banc de touche avec l'accès à ces statistiques-là. Donc, des statistiques très simples, mais qui étaient aussi faciles pour moi de prendre en live, comme les zones de récupération du ballon, C'est vraiment ça le que je faisais nombre de... référence, ouais. Ouais, donc toutes ces statistiques-là, le nombre de passes réussies après une récupération, ce genre-là. Et ça, encore une fois, oui, c'est intéressant, mais comme j'ai peut-être pu le dire, mentionner tout à l'heure, c'est un objectif qui aurait pu être réalisable si j'étais seulement avec une équipe ou si on était plus à Exact. l'académie, parce que ça demande beaucoup de travail. Mais oui, je pense que les statistiques peuvent amener un plus, surtout que les joueurs sont demandeurs. Moi, ils me demandent beaucoup, est-ce que je peux avoir accès à mes statistiques, mes ballons perdus, mais donc évidemment que ça serait un outil supplémentaire. Mais voilà, moi le choix, c'est que je me dis, OK, j'ai accès à la vidéo, ça ne ment pas, je ne perds pas de temps à essayer d'interpréter telle ou telle statistique. Et au moins, je pense être le plus clair possible avec les joueurs Ouais, je grâce à comprends. la vidéo. C'est ça, je ne sais plus si j'ai Non, c'est répondu à la bon. question. Ouais, c'est ça. Dis-moi, est-ce que j'ai le temps de poser encore une question? Ouais. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et là, je sais que là, t'es, comment dire, t'es le public parfait pour y répondre. Ton avis m'intéresse énormément. Quand j'ai commencé à, c'est ça, être éducateur, entraîneur, j'avais remarqué la différence qu'il y avait entre moi et de meilleurs entraîneurs, de meilleurs éducateurs. C'était la façon de regarder le match, c'était la façon dont, que ce soit les entraîneurs que j'ai eus en STAPS, les premiers, ceux qui m'ont un peu donné une autre façon de voir le foot. Et je fais un gros focus là-dessus, j'en ai beaucoup parlé à travers mon petit parcours. Comment toi, en tant que justement analyste vidéo, mais aussi en tant qu'éducateur qui a voyagé, qui a vu le foot différents contextes, différents matchs, et maintenant qui passe ton temps à filmer des matchs, à regarder des matchs, comment ton œil, justement, il s'aiguise entre, on va dire, le grand spectateur du dimanche qui regarde, tu sais, parce qu'il va voir son garçon, il n'y a pas de mauvaise façon de regarder le match, mais justement ce regard qu'il a sur le foot, et puis quand on progresse, quand on voit des matchs, tu sais, il y a des détails, il y a le regard qui s'aiguise, et tout, justement, toi qui dois maintenant d'autant plus passer du temps à faire un focus, que ce soit sur des groupes, que ce soit sur des lignes, des systèmes, des joueurs en particulier. Comment toi, en un an et Non, demi, ton regard, il a évolué par rapport à la façon dont tu regardes le foot? c'est sûr que à chaque fois, par exemple, que je regarde un match à la télé, je le regarde pas forcément comme avant, juste pour le plaisir de regarder et de juste entre guillemets suivre le ballon, mais j'essaye de regarder aussi dépendamment de ce que l'angle de caméra nous offre, tout ce qui se passe. Pas autour du ballon, mais les interactions que les joueurs ont entre eux et des choses toutes bêtes, comment sur un pressing, les repères, qui va être le repère de pressing pour savoir comment ils vont vouloir orienter et de voir s'il y a des choses qui ressortent que moi je vais pouvoir montrer aux jeunes. C'est aussi l'objectif maintenant quand je regarde des matchs de haut niveau, j'essaie de me dire ok. J'aimerais trouver une séquence top à montrer sur, je sais pas, des trucs tout bêtes, mais la transition défensive. Je prends l'idée là parce que ça me vient en tête de je sais pas si tu as vu la séquence de l'Atlético Madrid qui a tourné sur les réseaux sociaux la semaine dernière en Ligue des Champions où tu vois le repli des gars, c'est Exact, à incroyable. 6-7 là. Exact. Donc ce genre d'image là, c'est aussi l'objectif, mais de manière générale, globale, quand par exemple je regarde un match de l'académie des jeunes, j'ai un point de vue technique plus précis parce que je connais les attentes des coachs, je connais les consignes, je connais le plan de match, je connais les animations. Donc là, je peux assez facilement dire si le plan de match est respecté, si les joueurs sont bien positionnés, je pourrais corriger en direct. Quand tu regardes un match que tu connais pas, donc quand je dis que tu connais pas, tu connais pas les consignes, tu connais juste les joueurs et tu connais juste les postes et les dispositions. Mais tant que t'as pas vu le match, tant que tu connais pas l'équipe, tu sais pas quelle animation, tu sais pas, comment ils vont faire mal à l'adversaire, comment ils vont défendre, etc. Donc c'est toutes ces choses-là. Essayer de voir aussi s'il y a des choses, des rapports de force. Je sais pas comment m'expliquer, mais s'il y a des choses qui sont transposables à l'académie avec les jeunes, c'est ce genre de choses-là. Mais comme j'ai dit peut-être au début, à la fin de la journée, quand je regarde un match, je suis toujours avec un œil ouvert parce que je suis toujours en apprentissage. Je pense qu'il y a toujours quelque chose d'un match à tirer, peu importe quel niveau, peu importe quel pays, peu importe quelle division, mais j'essaye un petit peu de regarder tout et je dirais que quand je vois un match dans un stade, c'est encore mieux parce que j'adore regarder les J'attendais à ce que tu me dises interactions ça. du staff ou des joueurs entre eux. Parce que là, on peut réellement voir les interactions qu'à la télé, on ne voit pas et on ne peut pas voir ce qu'on veut vu qu'on est, on subit le plan de match qui nous gêne si on veut regarder quelque chose de précis. Donc, il n'y a rien de mieux que de voir un match dans un stade où vraiment on peut fixer notre attention sur quelque chose en particulier. Et pour moi, c'est la meilleure manière d'analyser une équipe, c'est de regarder un match au stade. plutôt qu'à la télé. Est-ce qui t'arrive On a accès à la vue grand angle. Bien sûr. Est-ce qui t'arrive parfois même, je me dis, moi je sais que ça m'arrive, peut-être c'est de la folie, mais de passer 2, 3, 4, 5 minutes focus juste sur un seul joueur. Oui, oui, ça m'arrive. Ouais. Par exemple, moi j'ai regardé, je pense il y a 2 semaines, le match aller River-Boca. Ça m'a marqué comment les équipes sont coupées en deux, mais tout le match. Ouais, exact, et c'est vrai. Tu regardes les défenseurs, tu te dis, les gars, ils défendent jamais l'espace dans leur dos. Ils sont toujours très bas et ils veulent pas de ballon dans leur dos. Donc, ils sont toujours en fait en train de reculer. Et c'est des joueurs constamment lancés. Ouais, c'est du 1 contre 1, des duels. Enfin, c'est impressionnant à voir exact, parce qu'il y a tellement d'espace que. Si tu anticipes mal ou si tu te jettes, ou voilà, donc c'est une approche complètement différente, mais qui est toujours, moi qui me plaît à regarder. Je trouve que c'est très agréable de suivre un match pendant 90 minutes où tu as quelque chose qui peut se passer à n'importe quel moment. Donc, j'essaye le plus possible de regarder différents championnats, différentes approches, on va dire. Footballistique pour justement moi entre guillemets faire mes devoirs et acquérir un meilleur apprentissage, quoi, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que regarder et essayer de comprendre. En fait, c'est ça l'idée derrière tout ça, c'est de comprendre quelles sont les intentions du coach, quelles sont les intentions des joueurs pour à la fin du match imposer son jeu, imposer ses forces et limiter ses faiblesses, quoi. Merci Max, je pense qu'on approche de la fin, on va pas se mentir. Ouais. Justement, peut-être dernière question, peut-être que tu as une réponse, peut-être pas, je sais pas, mais je suis curieux de le savoir quand même, en tant que moi qui te connais un peu, et puis en tant que, je sais pas si ça peut se partager, mais dans ton parcours, en tant que voyageur, en tant qu'éducateur, entraîneur, maintenant analyse vidéo, est-ce que tu suis, parce que je sais que tu lis beaucoup aussi, il y a eu des grosses paires de lectures, peut-être maintenant un peu plus surbookées, mais est-ce qu'il y a des modèles est-ce qu'il y a un modèle, je ne sais pas, une personne, un écrivain, un entraîneur qui t'inspire plus ou que, je ne sais pas, tu sais, même dans tes voyages, à un moment donné, il y a eu ou il y a encore ou quelqu'un qui, c'est ça, un modèle ou qui t'inspire, ouais. Un modèle, je dirais pas un en particulier, je dirais plusieurs. Plusieurs personnes ont influencé évidemment ma vie, que ce soit en termes footballistiques ou en termes de personnes. Je dirais footballistiquement, si je dois en citer un, c'est sûr que j'ai eu un coach en jeune qui s'appelait Christopher, qui m'avait marqué par son professionnalisme et sa discipline, qui était toujours à l'heure. T'arrivais à l'entraînement, le terrain était prêt. C'était des conditions, un environnement de travail. T'avais envie d'aller t'entraîner. Il te donnait envie de te dépasser parce que lui était à fond dans le projet. Et ça, c'est sûr que moi, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais beaucoup. L'autre, je dirais un exemple, c'est un coach comme Johan Damé, par sa jeunesse et je dirais par son ambition, il y a pas de limite. Lui, vraiment, c'est, comme tu disais tout à l'heure, des portes ouvertes, il en ouvre énormément. Donc, pour l'avoir côtoyé très très peu, mais pour avoir pu échanger avec lui, c'est certain que lui, il est toujours en recherche de nouvelles choses. Il est en remise en question permanente et c'est un gars bosseur à fond. Donc ça, après, c'est aussi le lien, c'est que je dirais, moi, c'est pas des idoles, mais c'est certain que mes parents ont beaucoup influencé la personne qui je suis et je leur remercie peut-être pas suffisamment, mais le fait d'être quelqu'un intègre et qui travaille toujours pour arriver à ses objectifs, c'est certain que je leur dois beaucoup parce que c'est eux qui m'ont donné l'éducation que j'ai eue. Donc, c'est ça. Après, des écrivains, il y en a, mais je ne te dirais pas que c'est des exemples que je veux suivre, mais je prends des petites idées par-ci, par-là, Désolé, j'en ai pas en tête, ma mémoire me fait défaut, mais voilà, si je dois citer des coachs, c'est pas trop le truc que j'aime faire, mais là, par exemple, j'ai lu l'article de Jürgen Klopp dans SoFoot le week-end dernier. C'est vrai que le gars, tu te dis, en 18 ans, il a fait 3 clubs, il s'est jamais fait virer, et de tout, moi je le connais pas et je connais personne qui le connaît personnellement évidemment, mais le gars a cette image là que voilà, tout le monde l'apprécie parce qu'il est intègre, il est droit, et puis il oublie pas que c'est qu'un sport. T'as pas l'impression qu'en fait il se prend la tête, et au final il a raison quoi, même s'il est dans l'un des plus gros clubs du monde, le plus gros championnat qui a monde, beaucoup d'argent et que etc. à relativiser, voilà, exact. Et donc non, c'est sûr que c'est un exemple. Je te dirais plus lui, voilà, dans ce que je viens de te dire, moi ça m'a marqué en me disant, ok, je pense que c'est exceptionnel. Le gars en 18 ans a été seulement coach de 3 équipes, donc c'est presque du jamais vu, et il ne s'est jamais fait virer. Donc je trouve ça beau. Ça veut dire comment partout où il est passé. Il a marqué les esprits en tout cas, et puis il est toujours parti en bon terme. Et pour moi, c'est un exemple de bonne ouais, de personne, réussite, si toi. Je puis dire ouais. ainsi. Exact. Ouais. Sans forcément dire qu'il a gagné partout où il est passé, parce que c'est ouais. pas le cas à Mayence, mais Dortmund, Liverpool, oui. Exact. Ok, je te remercie. Je sais que ça fait déjà longtemps. Je pense que j'ai un peu débordé déjà. Donc je vais pas te prendre plus de temps. Ça pourrait durer des heures. Moi, j'avoue que moi, j'ai pas vu le temps passer, j'avoue. Ouais. Mais merci pareil, beaucoup, moi. Max. Merci beaucoup. J'avais trop de questions à poser, j'en ai trop, mais on peut pas. J'ai vu que c'est ouf. C'est ouf. Pourtant, tu parlais vite et tout, mais. Il n'y a rien à faire, et puis non, c'est ça. Génial, merci beaucoup.